love. Appelle-moi Grécos quand tu me croises dans le Mercos. Accompagné des boss, des boss. C'est à coup de grosse que tu finiras dans le coffre. Je t'encule sans apostrophe. Je suis le Gréco qui vient tout niquer pour casser tout le V. J'ai la rage, je deviens barge. Parabole sur ta face et tu trépasses. Pas vu, pas pris, tu peux prier, t'as que ton parole à chier. Ça brin, ça crache, au feu rouge, les yeux rouges. Faut rappeler le frigo avec mes rois, Canato, Aaron, le Gréco, la rune Gaitous. Faut aller chiner au gâteau, les chaussures pleines, nous passe une bouteille et des verres pour mes rois. 4 gâchins, j'aime pas le Front National, j'aime ce qui baisse le Front National. La goutte sur le front, le pushka dans la poche. J'aime pas les bleus, j'ai pas les yeux bleus, mais noirs comme la nuit. Ma famille est plus grande que la muraille de Chine. J'suis violent comme la bombe d'Hiroshima, j'ai plus ma maman, j'ai mal. Jeune et inconscient, en goûte à des produits toxiques, en devenir dépendant. Partir dans des délires, ouais, à fond de camp. Putain, c'est méchant, les tours tu prends, on reprend par-dessus. Jusqu'à ce que ça tue, tu transpires, serre la mâchoire, perds tes chicots. De toute façon, pour toi, c'est rideau. Parfois, t'en reviens pas, t'es tellement loin que t'as surpris. Tes potes s'éloignent à force de leur pisser dessus. J'ai pas de soucis de ce côté-là, ça fait longtemps que j'ai arrêté tout ça. J'ai vu ce que ça provoque, sous le choc, quand tu vois un mec se taper une OD. Mon pote y est resté, j'ai essayé, mais pas pu lui empêcher. Je dis pas faut tester, mais savoir s'arrêter. Sinon, aïe, ça fait mal, se retrouver sur la paille sans un sou. Alors ta meuf est pleine jusqu'au cou. Pour nous, c'est hors circuit, fais ce que tu veux, mais le fais pas ici. Reste poli, contente, le dit, ou tu finiras tes jours ici. Des prods, des flops, des causes, un gros clou dans la caisse. Faut que t'encaisses morceau et pas pour pouvoir fondre. L'ambiance plombe, attention, c'est sérieux. Je vais pour représenter et je vais tout faire déjanté. Parce qu'on fait trop les gentils, alors je prends la sauce. Mes potes sur cette team, on débarque sur ta du 34. Tes mains, c'est le tranchant pour le rap, c'est le tranchant de cap. Notre vie, voilà nos avis, on détale nos envies. Tout ce qu'on envoie, nos pensées blessées par des morsures, c'est dur, je t'assure. On dénonce les ordures, les mains liées à celles de mes piliers qui m'empêchent de plier, qui m'aident quand je veux crier. C'est l'heure du jugement dernier, donc je sous-signais Warren d'être coupable de vivre. J'accuse Koon de ne pas suivre le troupeau. J'accuse le grec de brûler le drapeau. Je les condamne à porter le fardeau des erreurs des autres et des profiteurs. Ceux qui se la jouent en tireur, qui nous laissent sans lueur d'espoir, mais seulement avec un joint, une DSP et des mauvais rêves le soir. Si jamais on arrive à s'en souvenir, tellement ça nous nique. Mais pas de panique, on est là et on détale. On mélange, on rafale et on refait. Sans refrain, on réfère le vrai, c'est normal, ça le fait. Les gens ont peur des insectes, pas des humains et de leur sexe. Réfugient dans l'inceste, beaucoup plus qu'un geste. Je fais goûter un zeste, l'intru qui tabasse, les textes qui fracassent. Faire remonter le niveau du rap sans développement durable. Réchauffement climatique, la famine dramatique. Les pays riches se gapent, les pays pauvres vapent. Délit de sang, délit d'antan, autant récent que maintenant. Des guerres robotiques à coups de bombes atomiques. Génération trisomique pendant des heures chestiques. Ironie du sort, c'est fini, tu sors. Les générations futures finiront ce morceau. Parce que ce qu'on leur a laissé n'a rien de beau. On se monte entre nous, quitte à être des rivaux. Fini dans le caniveau. Niveau de vie précaire, parce qu'on préfère. Quand le parquet est défaire, toutes nos affaires qui ne peuvent défaire.